إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، قلب المؤمن المتوحد ممتلئ بتعظيم الله عز وجل وبتعظيم كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتوحيده وإيمانه الراسخ يمنعه من أن يصدر منه قول أو فعل فيه استهزاء بشيء في ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول. فأصل التوحيد لا يجتمع مع الاستهزاء، وذلك أن التوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم، والاستهزاء بالله أو شرعه ينافي التعظيم. ولهذا فإن من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، أو استهزأ بأصل التشريع، كمن يستهزئ بالحجاب المرأة المسلمة، أو الذي يستهزئ بإعفاء الرجل لحيته أو تقصير ثوبه أو غير ذلك من أحكام الشرع، فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة، سواء كان المستهزئ جادا أو مازحا لمجرد إضحاك الناس وتسليتهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم. رواه البخاري. ومن جلس في مجالس الكفر والنفاق ولم ينكر عليهم أو يغادر مجلسهم فقد شاركهم في الكفر. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. Chers musulmans et musulmanes, le cœur du croyant est plein d'amour envers Allah, son livre et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cœur est plein d'amour et plein de respect envers Allah, son livre et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois la foi ancrée du croyant l'empêche de proférer des paroles ou de faire des actes qui comporteraient une moquerie vis-à-vis d'une chose comportant le nom d'Allah, ou bien de se moquer du Coran ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, la base du tawhid et le fait de se moquer d'une chose faisant partie de la religion ne peuvent se réunir. Car le tawhid, l'unicité d'Allah, impose le fait de se soumettre et d'accepter la législation d'Allah et de respecter Allah, son livre et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de se moquer remet en cause tout cela. Ainsi, celui qui se moque d'une chose comportant le nom d'Allah, ou se moquant du Coran, ou se moquant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou se moquant d'une chose faisant partie de la religion, comme celui qui se moque du voile de la femme musulmane, ou celui qui se moque de la barbe d'un musulman, ou celui qui se moque du fait qu'un croyant raccourcisse ses vêtements afin qu'ils soient au-dessus de ses chevilles, ou celui qui se moque de tout jugement de la religion, a alors sombré, écoutez bien, dans la grande mécréance qui fait sortir de l'islam. Wal'iyadu billah. Et que cette personne se moque en étant sérieuse ou en plaisantant, le jugement est le même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme profère une parole qui provoque la colère d'Allah sans que cette personne ne s'en rende compte et qui la plonge dans le feu de l'enfer. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et celui qui assiste à des assises dans lesquelles la mécréance y est présente, ainsi que l'hypocrisie, sans condamner ce mal, ni sans quitter cette assise. S'il reste dans cette assise, il est alors semblable à eux. Comme l'a dit Allah Azzawajal dans le verset 140 de Surat An-Nisa, dit dans le livre, c'est-à-dire le Coran, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en moque, ne vous asseyez point avec eux. Ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, c'est-à-dire si vous restez avec eux, vous serez comme eux. أيها المسلمون وقعت في غزوة تبوك قصة عظيمة وحادثة شنيعة ذكرها الله عز وجل بقوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال لهم عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب ونقطع به عناء الطريق قال ابن عمر كان ينظر إليه متعلقا بنعسة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب أيها المسلمون الصحابة رضوان الله عليهم أحسن الناس اقتصادا في الأكل وغيره والمنافقون أكثر الناس أكلا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء والمنافقون أكذب خلق الله كما وصفهم الله عز وجل ألا إنهم هم الكاذبون والصحابة رضي الله عنهم عدول بالإجماع واختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه وحفظه وهم من الصدق بالمنزلة العالية والغاية التي ليس فوقها غاية رضي الله عنهم وأرضاهم أما عن المنافقين فهم الجبناء كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم وشجاعة الصحابة رضي الله عنهم مشهورة معلومة وما ظهر لهم من الشجاعة والبطولة لا يعرف لها نظير وقد أبلوا بلاء حسنا في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم Chers musulmans et musulmanes, le jour de la bataille de Tabouk a eu lieu un fait important et gravissime. Allah Azza wa Jal nous cite ce fait dans le verset 65 de Sourate At-Tawbah, lorsqu'il dit Azza wa Jal, et si tu les questionnais, ils te diront, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dites, est-ce d'Allah, de ses signes et de son prophète dont vous vous moquiez ? Abdullah ibn Umar, Muhammad ibn Ka'b, Zayd ibn Aslam et Qatada ont rapporté cette histoire en disant qu'un homme, pendant la bataille de Tabouk, a dit « Nous n'avons jamais vu, comme nos lecteurs, ceci en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui connaissaient le Coran. Nous n'avons pas vu de tels lecteurs qui donnent de l'importance à leur ventre, ni plus menteurs, et ni plus traître au moment du combat. » Et il voulait dire par cela, et il visait par ses paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Abdul Aouf ibn Malik radiallahu anhu a dit à cet homme, « Tu as menti, mais tu es plutôt un hypocrite. Je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que tu as dit. » Auf ibn Malik est parti vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de cette parole. Mais il a trouvé que le Coran l'avait déjà précédé. Allah Azza wa Jal avait déjà révélé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les paroles qu'avait proférées cet homme. Cet homme est alors venu vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était sur sa monture, et il a dit, « Ô envoyé d'Allah, nous ne faisions que bavarder et jouer, et nous parlions, nous avions une discussion, comme les discussions que l'on a afin de se distraire, pour faire passer la difficulté du voyage. » Et Abdullah ibn Omar a dit, c'est comme si je voyais cet homme s'accrocher aux rênes de la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant, nous ne faisions que bavarder et jouer. Chers musulmans, les compagnons radiyallahu anhum sont les personnes les plus économes, que ce soit dans la nourriture ou autre. Quant aux hypocrites, ce sont ceux qui mangent le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le croyant mange par un intestin et le mécréant mange par sept intestins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire par cela que le croyant est une personne qui mange peu, qui mange à sa suffisance. Quant aux mécréants, quant aux hypocrites, ils ont pour habitude de manger bien plus que ce qui n'est nécessaire pour eux. Quant aux hypocrites, ce sont les plus menteurs des créatures d'Allah. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, ce sont plutôt eux les menteurs en parlant des hypocrites. Quant aux compagnons, radiyallahu anhum, ils sont dignes de confiance à l'unanimité de la communauté musulmane. Allah Azza wa Jal les a choisis pour accompagner, pour être en compagnie de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre en pratique sa religion et pour la protéger. Les hypocrites sont ceux qui sont les plus craintifs et ceux qui se sauvent au moment du combat. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans le verset 4 de Sourat, les hypocrites, ils pensent que chaque cri est dirigé vers eux. Quant au courage des compagnons radiyallahu anhum, c'est un courage connu de tout le monde. Et les preuves de cela sont nombreuses, qui montrent que les compagnons radiyallahu anhum étaient des personnes dévouées, corps et âme, lorsqu'ils étaient au combat dans le sentier d'Allah. Et lorsque Auf ibn Malik radiyallahu anhu a entendu cette parole, il s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فلما سمع عوف بن مالك هذه المقولة الخبيثة قال لهذا القائل كذبت فيما نسبت إليهم ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من النصيحة لله ولرسوله وليس من النميمة في شيء فذكر أفعال الفساق فذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليرضعوهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا من باب الغيبة والنميمة ولما ذهب عوف بن مالك ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجد القرآن قد سبقه فأتى المستهزئون يعتذرون أنهم لم يقصدوا حقيقة الاستهزاء وإنما قصدوا الخوض واللعب والمراد الهزل للجد والتحدث كما يتحدث الركبان إذا ركبوا رواحلهم وقصدوا ترويح أنفسهم وتوسيع صدورهم ليسهل عليهم السفر وقطع الطريق فتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى هذا المنافق من غضبه عليه ولم يقبل عذره الباطل إذ أن هذه الأمور لا يدخلها الخوض واللعب وإنما تحترم وتعظم إيمانا بالله ورسوله وتعظيما لآياته وتصديقا وتوقيرا والخائض واللاعب منقص لها وعلى المؤمن أن يخاف على نفسه من النفاق قد كان أصحاب تلك المقالة السيئة مؤمنين قبل مقالتهم تلك ثم وقعوا في الكفر بسببها قال تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم فقد كان إيمانهم ضعيفا ولهذا لم يمنعهم من الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Lorsque Auf ibn Malik radiyallahu anhu a entendu cette parole mauvaise, Il a dit à cette personne hypocrite, « Tu as menti dans ce que tu as dit, mais tu es plutôt un hypocrite. Je vais en informer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Et ceci, de la part de Auf ibn Malik, est un conseil envers Allah, son prophète. Et ce n'est en aucun cas de la médisance. Le fait de citer les paroles des pervers aux responsables et à ceux qui ont l'autorité, afin qu'ils appliquent sur eux la sentence et d'appliquer et d'ordonner le bien et d'interdire le mal, cela n'est en aucun cas, et cela ne fait partie en aucun cas de la médisance. Lorsque Auf, radiyallahu anhu, est parti pour informer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a constaté que la révélation l'avait précédé. Et ces moqueurs sont venus présenter leurs excuses au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en disant qu'il n'était pas sérieux dans ce qu'il disait, mais qu'il bavardait et qu'il plaisantait. Il ne disait pas cela, il ne pensait pas cela sérieusement. Il parlait afin de passer et de supporter la dureté du voyage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne leur a pas répondu. Il s'est contenté de lire la parole d'Allah Azza wa Jal. Est-ce d'Allah, de ses signes et de son prophète dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru après votre foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété et répété ce verset à chaque fois que ces hypocrites présenter leurs excuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les regardait même pas, n'a pas accepté leurs excuses, car dans ces sujets, il n'y a point de bavardage et il n'y a point de plaisanterie. Mais dans ces sujets, lorsque l'on parle d'Allah, de ses signes, du prophète, de la religion d'Allah, ce sont des paroles de respect, des paroles de soumission qui doivent sortir du musulman. Ainsi, le musulman doit redouter, doit craindre de sombrer dans l'hypocrisie, car ceux qui ont proféré cette parole étaient des croyants après avoir dit ces moqueries. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Ce qui prouve que ces personnes avaient une foi, mais leur foi était faible, et cette foi ne les a pas empêchés de se moquer d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون الاستهزاء بأصل التشريع كفر والاستهزاء بتطبيق المسلم للشرع كبيرة من الكبائر قال بعض أهل العلم هؤلاء الذين يسخرون من الملتزمين بدين الله فيهم نوع من النفاق لأن الله تعالى قال على المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين وفي جواب اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية سئلت على من قال لآخر يا لحية أن الاستهزاء باللحية منكر عظيم فإن قصد القائل يا لحية السخرية فذلك كفر وإن قصد التعريف فليس بكفر ولا ينبغي أن يدعوه بذلك وفي جواب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على من يقول حلق اللحية وتقصير الثوب قشور قال هذا الكلام خطير ومنكر عظيم وليس في الدين قشور بل كله لب وإصلاح وينقسم الدين إلى أصول وفروع ومسألة اللحية وتقصير الثوب من الفروع لا من الأصول لكن لا يجوز أن يسمى شيء من أمور الدين قشورا ويخشى على من قال هذا الكلام متنقصا ومستهزئا أن يرتد بذلك عن دينه والعياذ بالله لقوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإخفائها فالواجب طاعته وتعظيم أمره ونهيه في جميع الأمور صلى الله عليه وسلم. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que le fait de se moquer d'une chose faisant partie de la religion et de la mécréance. Certains savants ont dit, ceux qui se moquent des personnes qui appliquent leur religion ont une partie d'hypocrisie. Car Allah subhanahu wa ta'ala a caractérisé les hypocrites dans ce noble livre comme étant ceux qui se moquent des assidus et des sérieux parmi les croyants. Et lorsque le comité des savants d'Arabie Saoudite a été questionné sur celui qui dit à une personne « Oh le barbu !» que ceci est une moquerie vis-à-vis de la barbe. Si la personne dit « Oh le barbu !» dans le but de se moquer, alors ceci est de la mécréance. Alors ceci est de la mécréance. Mais s'il dit cela pour qualifier la personne et que c'est ce qui, cette personne est connue comme étant barbu, et lorsque l'on dit le barbu, c'est quelque chose qui, c'est une caractéristique qui représente cette personne, alors dans ce cas, ce n'est pas de la mécréance, mais il se doit d'abstenir de l'appeler ainsi. Et lorsque Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, a été questionné sur une personne qui dit que de raser la barbe et de raccourcir les vêtements fait partie des épluchures. Il a dit, c'est une parole extrêmement dangereuse et c'est un mal immense. Il n'y a pas dans la religion d'épluchures. Toute la religion est noyau et bienfaisance. La religion se divise en base et en branche. Quant à la barbe et le fait de raccourcir les vêtements pour les hommes, ces sujets font partie des branches de la religion et non des bases de la religion, mais il est interdit de les appeler épluchures. Et l'on craint pour celui qui dit une telle parole dans le but de rabaisser ces choses ou dans le but de s'en moquer, nous craignons qu'il apostasie par cette parole et qu'il sorte de sa religion. Car Allah Azza wa Jalla a dit, est-ce d'Allah, de ses versets, de son prophète dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après votre foi. Craignez donc Allah, chers musulmans et musulmanes, et faites attention à ce que vos langues profèrent. Ne vous moquez en aucun cas d'une chose faisant partie de la religion. Ne vous moquez ni du hijab, ne vous moquez ni de la barbe, ne vous moquez ni d'un frère qui raccourcit ses vêtements en mettant en application la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est une obligation pour les hommes de porter des vêtements au-dessus de la cheville, que ce soit des qamis, que ce soit des pantalons ou autres. Car le sujet est bien trop grave et bien plus grave que ce que pourraient penser les musulmans. C'est pour cela que j'ai jugé utile d'en faire un discours du vendredi, afin que chacun soit alerté par ce sujet. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a ordonné de laisser pousser nos barbes. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné de tailler nos moustaches. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné aux hommes de porter des vêtements au-dessus de la cheville. Ainsi, de se moquer de ces choses revient à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à se moquer d'Allah et de sa législation. Al-iyadu billah. Or, nous devons obéissance, respect à Allah, à son envoyé et à sa législation. Nasallallahu azza wa jal an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma aj'alna min alladhina la yastahzi'una bi dinik. Allahumma aj'alna min alladhina la yastahzi'una bi shay'in min shar'ik. Ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Allahumma aghfir lana warhamna. Allahumma aghfir lana warhamna. Innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikin. Allahumma ansur al-mustad'afin fi kulli makan. Ya qawi ya aziz. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.